FrenchPod.com. C'est ouvert! Alors, Julien, qu'est-ce qui te prend? On m'a dit que tu étais au régime. Eh oui, j'ai quelques kilos en trop. Alors, je suis allé consulter un diététicien qui m'a proposé de suivre un régime. Il t'a donné un programme pour surveiller ton alimentation, alors? Et c'est pour ça que tu as acheté ce vélo d'appartement? Tu permets que je prenne le paquet de chips là-bas? Tu n'en auras plus besoin. C'est vrai. Vas-y. C'est pas tout. Je me suis inscrit à un club de sport et je me suis abonné au magazine Maigrir avec le sourire. Tu te rends compte qu'il n'y a environ que 70 calories dans un pamplemousse? Mais et le club de pétanque? Les repas bien copieux en famille le dimanche? Les apéros avec les potes? Oh, je mangerais bien un peu de ce fromage là. Je peux? Oui, oui. Vas-y, vas-y. Le club, les festins du dimanche, fini! Oublié! Je suis un autre homme. Maintenant, c'est gymnastique, fruits et légumes, eau minérale. D'ailleurs, toi aussi t'as pris du poids ces derniers temps. Tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, Julien!